d'entrée, voilà le doute levé. Tu me retrouvais rendant ton GPS 45 degrés 526 S 123 degrés 23.6 W. Spex, prends des poils. Mère à perte, puis je me perds, j'en paf, merde, j'opère loin de vos remparts. De vos terres en guerre, non, je rentre pas seul, de part en part, je t'emmerde. C'est pas la terre, tout se répète, en sursis, droit en cœur pâle. En miettes, parfois surpris que mon cœur batte. Je fais des croquis, des couillons de dessin. Je suis né à Paname, pas à Brooklyn, j'écris tranquille, des brouillons de médecin. Je suis pas compris, donc je pète les plombs, ils sont bons qu'à diverger. Quand je fais le tri, je touche le fond, loin de toute terre immergée. C'est pas la tasse, ici les oiseaux se tanasient. Ça manque d'espèces, mon manque de respect à l'asile. Regarde les braves se canner au café, mes cafés se gagnent. On squatte et les caves se gravent pendant que les gaves se gavent. J'm'écarte, éclate et mes gars écartent les filles. Mon cœur un tas de débris, des tonnes de dégâts. J'décale, dégage la clarté, mes fuites. J'vous laisse la guerre et les ravages qu'on fait la blanche. Seul dans la mer, loin des carnages, moi j'fais la planche. J'ai pas fait semblant, seul des traques et j'm'enclenche. Les autres parlent sans vent, loin de j'taffe et j'm'engrange. Ça n'est pas assez d'enfants, non pas palpé sans franc. Combien rapé sans branche, j'ai trop tapé dans le vent. J'ai pas fait semblant, seul des traques et j'm'enclenche. Les autres parlent sans vent, loin de j'taffe et j'm'engrange. Ça n'est pas assez d'enfants, non pas palpé sans franc. Combien rapé sans branche, j'ai trop tapé dans le vent. J'ai ramassé, j'ai vu, j'ai perdu, j'pars. Dis ça, ça m'a c'est un point de vente, voilà ce qu'on a fait du bar. Ils ont voulu que je taffe pour un salaire malheureux. J'préfère le rap et le graphe, j'opte pour une galère chaleureuse. Efface mes visions graves, mes traces gravées sur mon bras. J'ai pas de place à gasser, j'm'aggrave, venez graffer ma pierre tombale. Je patron pas, mes gars sont pâles, non, j'n'ai pas les mots. Famille, j'lave mes sons cales, donc ce son parle du point Nemo. J'ai pas fait semblant, seul des traques et j'm'enclenche. Les autres parlent sans vent, loin de j'taffe et j'm'engrange. Ça n'est pas assez d'enfants, non pas palpé sans franc. Combien rapé sans branche, j'ai trop tapé dans le vent. Une palette flotte, donc j'touche du bois, c'est là que j'm'agrippe. Donnez ma voix, j'serai pas des vôtres, moi cherche la foi seul dans ma crypte. Ça fait 8 ans que je témoigne de fou. Que mon espoir est un farceur, que ma noirceur m'éloigne de vous. Je me perds, j'ai le flot qui fout le camp. Je grave mon corps avant qu'il crame. Je me perds sur la peau, j'y fous l'encre. Au fond, je suis seul, je suis loin, mais j'ai ma branche. Vider mon seuil, trister mon coin, j'y fais la planche. Dark, j'ai pas fait semblant, seul des traques et je m'enclenche. Les autres parlent sans vent, loin de j'taffe et je m'engrange. Ça n'est pas assez d'enfants, non pas palpé sans franc. Combien rapé sans branche, j'ai trop tapé dans le vent. J'ai pas fait semblant, seul des traques et je m'enclenche. Les autres parlent sans vent, loin de j'taffe et je m'enclenche.